ressemble. À 100% sûr, y'a pas d'erreur, ça fait notre bonheur. La première fois, je pose les yeux sur toi. Une impression, une évidence, t'es là et c'est ma chance. Moi je doutais de tout, je m'accroche à ton cou. Tes mains, ton sourire, me réveille un bel avenir. Renaissent les amants, le cœur léger, je te tiens la main. Pour toi, Mariama, je te dis tout ça, t'oublie pas. Je suis là, pas à pas, n'hésite pas. Je reste en alerte et pourtant tu m'as souhaité bonne nuit. Quand j'ouvre les yeux, t'es là et tu m'attends. Tu me plantes bien au milieu. Ton cœur d'amour d'enfant, j'ai le droit à des scènes, surtout à tes peines. Mais ton cœur m'essence, c'est de l'amour comme une fontaine. Alors à nous deux, on va refaire la ronde. Je te vois bien créer un nouveau monde pour toi, Mariama. Je te dis tout ça, t'oublie pas. Je suis là, pas à pas. N'hésite pas. Je te dis tout ça.